Chapitre 3e. Amitié de serpent. Qui n'a pas, une fois au moins dans sa vie, éprouvé cette douceur infinie de l'heure où, après la longue absence, ceux qui s'aimaient se retrouvent et se contemplent comme pour se reconnaître? Valério était tel que ces aventuriers pèlerins qui ont à peine osé compter sur le retour. Presque étonné de revoir les siens éblouis de son bonheur, il promenait des yeux dilatés tant sur les braves serviteurs qui se tenaient courbés devant lui que sur les hautes murailles qui lui offraient les mêmes lignes et les mêmes ornements qu'autrefois. Tout à coup, sortant de cette stupeur, il s'élança vers la porte familière, au seuil de laquelle venaient d'apparaître Salviano et les deux nobles femmes. Il rencontra les bras du véritable procurateur, puis les blanches mains de Lucrezia et le regard sympathique de la jeune fille. Balthasar n'était moins fâché de se trouver là, d'être le premier à saisir le brillant capitaine. Déjà, peut-être, avait-il en tête le commencement d'un plan, infernal, cela va sans dire. « Enfin, enfin !» répétait Aurélia, dans une sorte d'extase. « Enfin, il nous est rendu. Voyez, ma tante, quelle belle cuirasse. Cela reluit comme les dômes de Saint-Marc. N'est-ce pas, Don Salviano, c'est beau d'être si jeune et d'avoir déjà tant de gloire. » « Oui, » dit gravement le procurateur, en obliquant un regard froid du côté de Balthasar. « La véritable gloire, celle qui consiste à avoir bien servi son pays. » Machinalement, Valério avait suivi ce regard, et il reconnut tout de suite l'ancien compagnon des jours de plaisir. « Ou je me trompe fort, » dit-il avec courtoisie, « ou vous êtes le chevalier Balthasar Postrigui. » Et il l'embrassa. « C'est mes heures et honneurs, » dit celui-ci, « que la manière dont vous venez de me reconnaître. » « Vous voyez tous que je n'ai oublié personne. Et cependant, les distractions ne m'ont pas manqué. De rudes distractions, il est vrai. Le grand vizir ne nous a guère laissé le temps de songer à nos amis. Un jour, maintenant que le traité signé à Karlovitz fait rentrer les vaisseaux dans le port et les combattants dans leur foyer, un jour je vous raconterai au long mes aventures. Mais pour le moment, j'aime mieux me recueillir et causer tranquillement avec ma famille. » En attendant que sa sénérité le doge daigne m'autoriser à lui présenter en audience publique cet étendard que j'ai arraché aux mains d'un janissaire. « J'espère, » dit Balthasar, en s'inclinant comme par respect pour tant de gloire, « que vous ne choisirez pas d'autre parrain que moi, quand vous voudrez être introduit au Broglio. Comptez-y, et grâce vous soit rendue pour cette offre obligeante. » Le chevalier prit congé en recevant de Valério la promesse d'une très prochaine visite. Le nouvel arrivé était dans ce paroxysme de joie où l'on accepte les paroles pour ce qu'elles sonnent. Salviano n'eut garde de chercher à le détromper. Il savait qu'on ne doit pas se heurter aux illusions toutes récentes. Mais il s'était attendu de la part de Valério à une émotion plus délicate. Les vieillards ont des sources de tendresse exquises que les jeunes cœurs ne connaissent pas encore. En descendant vers la seconde enfance, ils reprennent cette suavité innocente d'impression, ce besoin de le croire, d'aimer et d'être aimé qui est le propre des êtres faibles. L'onde de leur vie torrentielle est tarie. Ils redevinent le ruisseau qui murmure d'une voix argentine et ne soulève pas même les plus petits cailloux.